بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 52 بعد المئة. 52 كاستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما ينكر المسلم على غيره أمرا منكرا قد يرد عليه بعضهم بقوله أنت فضولي أو لا تتدخل فيما لا يعنيك، فقوله الصحيح هنا وبماذا يرد عليه؟ Donc il est interrogé que lorsqu'un musulman réprimande le mal, certains lui répondent « Tu es une personne qui se mêle de ce qui ne regarde pas. Cela ne te concerne pas. » Fudouli, à la base, Fudouli, c'est quelqu'un de curieux. D'accord ? Qui met son nez là où ça ne le concerne pas. Donc il a dit « Est-ce que cette réponse de leur part est véridique ?» Et que peut-on leur répondre ?« Fa'ajaba rahmanahu ta'ala, qawluhu hadha ghayr sahih. » أي أن يقول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر أنت فضولي أو هذا لا شأن لك فيه غير صحيح، فإن الله تعالى أمرنا بأن ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. Donc il a dit cette réponse-là de la part de ces gens-là, elle est fausse. Tu n'as pas à dire à quelqu'un qui t'ordonne le convenable et t'interdit le blâmable que cela ne te concerne pas et que tu es quelqu'un de curieux, car Allah nous a ordonné justement de d'ordonner le convenable. Et nous a ordonné d'interdire le blâmable. فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم يرضى. Donc ce qui nous obligatoire, c'est d'agir en conséquence. En mesure des capacités, et que cela plaise ou non à la personne que l'on conseille. S'il fait un mal, on doit le réprimander pour ce mal. Que cela plaise ou non. Et si il délaisse une obligation, on va lui ordonner de la faire, que ça lui plaise ou non. يرد عليه إن هذا من شأني لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالذي من شأن المؤمن يكون من شأن أخيه. Donc il a dit, on lui répond que cela me concerne, car Allah m'a ordonné de t'interdire de faire du mal. Et car le croyant avec le croyant, sont comme un édifice, ils se renforcent les uns les autres. Donc, ce qui te concerne, toi, concerne ton frère. Et également, il y a le hadith, vous connaissez le fameux hadith du bateau. Que si ceux qui étaient en haut avaient laissé les gens d'en bas faire un tour dans le bateau pour pouvoir s'abreuver, le bateau aurait coulé et seraient tous morts. Donc, laisser les gens faire un mal, sans les réprimander, causerait que nous soyons tous touchés par le châtiment. Donc cela nous concerne tous. Cela nous concerne tous. Maintenant, il y a des choses, il ne faut pas aller non plus espionner et épier. Non. Ou des choses, des fois, nous ne sommes pas les personnes les plus aptes à pouvoir les régler. Par exemple, un problème de couple, des fois, mieux vaut envoyer quelqu'un proche du couple pour les conseiller. Pour pas qu'on dise, toi, tu es dans les affaires de couple des gens, ça ne te concerne pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'envoies, tu avertis quelqu'un, parmi les Aouliyeh, par exemple, ou gens qui sont proches, pour les aller conseiller. Déjà, des fois, fais preuve de hikmah. D'accord? Avec les gens. Si on peut envoyer quelqu'un de plus proche, de plus approprié, alors on le fait. Cela est meilleur. Naam. Summa qala fi souel al-thalith wa khamsin ba'd al-mi'a. 153e question. Souel al-shaykhu, rahmallahu ta'ala, ma rayyukum ya fadilat al-shaykh, indama yansakh ba'd al-nas an tark ma'asiyah. أو الإقلاع عنها يحتاج بكل الله تعالى إن الله غفور إن الله غفور رحيم. Donc il est interrogé, quel est votre avis lorsque des gens en conseillent d'autres à délaisser les péchés, ils prennent comme argument la parole dans le sens où Allah dit certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ça on l'entend souvent. فأجاب رحمه الله تعالى إذا احتج بهذا احتجاجنا عليه بكل الله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. Donc il a dit, celui qui prend comme argument ce genre de verset, nous aussi on ne lui répond pas dans le sens où Allah a dit et avertit mes serviteurs que je suis le pardonneur et le miséricordieux et que mon châtiment est un châtiment douloureux. L'Exode, versets 49 et 50. وَبِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. Et sachez que Allah est dur en châtiment et que Allah est pardonneur et miséricordieux. La table de salut, verset 98. Faïza Atabi ayatin al-raja yuqabal bi ayati al-wa'id. Walisa hadha al-jawab illa jawab mutahawin. فنحن نقول له اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك اسأل المغفرة لأنه ليس كل أحد يقوم بما أوجب الله عليه يقوم على وجهه الأكمل. Donc celui qui vient avec les versets de l'espoir, nous, on lui répond par les versets de la menace. Et ce genre de menace, ou plutôt ce genre de réponse, ne sont que les réponses des gens laxistes, des gens négligents. Donc nous, on lui dit, crains Allah et accomplis ce que Allah t'a imposé. Et demande-lui le pardon, car ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de pouvoir remplir les obligations de la façon la plus complète qui soit. Donc là, demande le pardon pour Allah. Mais le fait de faire le péché volontairement et te dire que Allah me pardonnera, tu n'as aucune garantie de cela. Et que même le shir dit que cela est parmi les choses qui peuvent rentrer dans la raillerie envers la religion. Car combien de hadith sont venus pour demander le fait de faire tauba. Et la tauba implique de délaisser le péché et d'être déterminé à ne plus recommencer et de regretter ce qu'on a fait. Donc celui qui dit ça et qui continue ni n'a délaissé, ni n'a regretté, d'accord, et dans son cœur, il apparaît qu'il a l'intention de continuer. Voilà, azabillah. Donc ce genre de personnes-là n'ont aucune garantie qu'ils seront pardonnés. ثم قال في السؤال الرابع والخمسين بعد المئة 154e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج بعض البعض إذا نوهي عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية قال الناس يفعلون كذا. Donc des gens, lorsqu'on leur interdit une chose qui transgresse la religion ou les bons comportements islamiques, ils disent tout le monde fait cela, les gens font cela. فأجاب رحمه الله تعالى هذا ليس بحجة لكل الله تعالى وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. Donc il a dit ça, ce n'est pas un argument que tout le monde fasse telle et telle chose. Dans le sens où Allah a dit, et si jamais tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Les bestiaux, verset 116. ولقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Et que la plupart des gens, même si tu te soucies, ils ne seront pas croyants. يوسف verset 103. والحجة فيما قال الله ورسوله أو كان عليه السلف الصالح. Donc c'est quoi l'argument? Ce que Allah a dit, son messager a dit, et c'est sur quoi étaient les salaf. Avant. Car si on ouvre ce web-là, les gens font cela, les gens font cela, on va ouvrir la porte à tous les mots. Car comme le verset le dit, la plupart des gens mécroient. Donc est-ce qu'on va mécroire? Est-ce que les gens mécroient? Là. Et d'ailleurs, la plupart des gens seront où? Au feu. La plupart des gens seront au feu. Seul un homme sur mille rentrera au Jannah. Un homme sur mille. Donc si on fait comme les gens y font, on se retrouvera avec les 99 autres. Ou plutôt 999 autres. Au feu malheureusement. Wa li azubillah. Allah yakhana al-yum min hadi as'ila. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.